Cinquième tableau, chapitre 1er de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline. Cinquième tableau, chapitre 1er. Un mois passa, au cours duquel le détraquement de Letondu ne fit que croître et l'embellir. Letondu, à vrai dire, venait encore à l'administration. Il y venait même régulièrement. Mais, arrivé à l'heure précise, il s'enfermait dans son bureau, s'y verrouillait à double tour et y demeurait de longues heures, sans que l'on pût savoir ce qu'il y fabriquait. Des collègues l'ayant mouchardé par le cercle élargi du trou de la serrure, donnait de vagues éclaircissements. Les uns disaient l'avoir vu immobile, les jambes en branches de compas, plongées dans la contemplation d'un vieux planisphère en loque qui décorait lugubrement une des murailles de sa pièce. D'autres l'auraient surpris, exécutant dans la diagonale du bureau des allées et venues de bête en cage, les mains aux reins et déchaussées. En fait, on ne savait pas grand-chose. De temps à autre, simplement, des éclats de voix filtraient à travers la cloison, des soliloques où grondaient des colères, des paroles de revanche, de tragiques représailles, d'aubes prochaines qui saignaient déjà à l'horizon en roseurs de bon augure. C'était ensuite, pendant des temps interminables, le silence à l'affreux cortège, semeur d'anxiété, troubleur d'âme, qui fait apparaître les gens sur les seuils des portes entrouvertes, et se questionner de loin, à la muette, avec des regards qui implorent et des fronts qu'embrume le souci d'une préoccupation commune. Dans tous les yeux, la même interrogation. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que par hasard il serait mort? Et quelquefois, à la joie sans bornes d'Ovide, le soir bleu tombait, puis la nuit, sans que le mystérieux attardé sonnât pour avoir une lampe. Il avait d'ailleurs renoncé à reconnaître qui que ce fût. Plus une parole à personne, un souhait de bonjour, rien du tout. Sous des sourcils aussi larges que des pouces, il roulait des yeux de fauve traqué. Derrière ce front, haut de deux doigts, où la brosse rase des cheveux descendait en pointe d'écusson, le génie de la persécution développait ses âpres germes. Si un inconnu ténébreux enveloppait sa vie privée, cela est superflu à dire. Les probabilités cependant, tant quelquefois il arrivait pitoyable au bureau, le teint boueux, la cravate lâche, le faux col en accordéon, étaient qu'il employait ses nuits à errer au hasard des rues, sous les clairs de lune ou les pluies. Et tout cela ne laissait pas de semer quelque inquiétude dans les âmes de ces messieurs, en celles surtout de M. de la Hourmerie, dont le nom mettait à revenir dans les discours de Letondu une obstination regrettable. Or, vers le milieu du mois de mai, ce sinistre énergumène puisa dans les lobes distendus de son cerveau deux ou trois petites conceptions d'une réjouissante insanité. Échafaudé tant bien que mal sur de vagues souvenirs de collège, sa hantise de l'Antiquité avait atteint au paroxysme, si bien que, lâché à toute bride dans une mêlée inextricable de guerriers et de philosophes, les prenant les uns pour les autres, exaltant indifféremment le caractère de Régulus et celui de Caligula, confondant Mithridate avec Sardanapale, Thémistocle avec Télémaque, Lycurgue avec Laocoon, il résolut enfin d'imiter ces grands hommes, de régler sa vie sur les leurs et d'égaler leurs vertus par les siennes. Il imagina donc d'organiser à son usage particulier des jeux renouvelés de l'antique, car il pensait avec Virgile qu'une âme saine veut un corps valide. Et il arriva, un matin, une roue de wagonnet sous le bras, dont il se mit à se servir comme d'un disque. 8 jours durant, ce ne fut plus tenable. Projeté à toute volée, d'une extrémité à l'autre de la pièce, la lourde masse de fer en venait heurter la porte, qu'elle défonçait peu à peu, cependant que la direction vivait dans un bombardement et que, derrière ses vitres ébranlées, sursautait le concierge lui-même, le mélancolique Boudin, ramené au plus mauvais jour du siège de Paris par ce grondement de canonnade lointaine. Personnage impressionnable, au teint blême de cardiaque que la vision incessante de la mort poursuivait à travers la vie, il s'en lamentait in petto et volontiers allait épancher ses angoisses dans le sein d'un bistrot de la rue Chanaleille dont il était le fidèle client. Mais ce détail n'était point fait pour calmer la généreuse fièvre de Letondu. Bien mieux, quand il eut amené ses biceps à la dureté de la fonte, il acheta un clairon, Letondu, et il se mit à en jouer, arrachant de force à l'instrument des sons rauques et abominables qui emplissaient les corridors en meuglements de mastodontes égorgés. Ceci pour donner de la souplesse à ses poumons qui en manquaient. Jusqu'alors, il n'avait été que surprenant. Il devint extraordinaire le jour où, marchant sur les traces des athlètes lacédémoniens qui soignaient d'huile parfumée, il inventa de se badigeonner depuis les pieds jusqu'à la tête avec de l'huile de foie de morue. Enfin, il eut l'âme de Platon. Il en conçut le légitime orgueil d'un monsieur qui a su, par sa persévérance, son opiniâtreté au-dessus de tout éloge, atteindre le but qu'il a laborieusement visé, et il résolut aussitôt d'humilier l'administration en donnant désormais une somme de travail grotesquement disproportionnée avec la somme d'argent qui en était le salaire. De cet instant, le personnel put retourner à ses chères études ou aller taquiner le goujon sur les riants rivages de la Seine. On cessa d'avoir besoin de lui. Letondu, et cela suffisait. Lui seul, et c'était assez. Il entrait dans les bureaux, raflait la besogne sur les tables, enlevait aux mains des expéditionnaires hasardant de timides « Permettez !» des dossiers volumineux et emportait le tout sous son bras sans un mot d'explication. Voilà. C'était plutôt simple. Seulement, l'économie administrative y laissait les yeux de la tête. Rien, ou à peu près, ne survivait du beau fonctionnement d'une maison sagement ordonnée naguère, tombée depuis entre des mains furieuses est devenu comparable à ces horloges détraquées dont s'immobilisent les rouages autour d'un cylindre affolé qui tourne, tourne, tourne sans cesse, atteint de rotation frénétique. Avec ça, un symptôme plus grave à lui seul que l'ensemble de tous les autres attestait l'écroulement final de cette intelligence sombrée. L'écriture du pauvre garçon allait s'altérant de jour en jour. Ce n'était plus l'irréprochable alternance des pleins, dodus et des maigres déliés, orgueil défunt de monsieur de la Hourmerie, mais une furibonde mêlée de jambages galopant les uns après les autres, sans art, sans chic, sans éclat, où se lisait à livre ouvert la hâte d'en avoir terminé avec une tâche fastidieuse et le désintéressement d'un esprit que hante le secret des saints. Au cours d'une expédition, souvent écourtée de moitié, il arrivait que des phrases entières se faisaient remarquer par leur absence, d'autres privées de leurs incidentes, restées en route, celles-ci, évaporées dans la mémoire du copieur au même instant qu'absorbées, semblaient de distraites personnes venues au bal sans faux col, sans parler de celles, plus étranges encore, qui étaient vêtues en chien-lit et parlaient de 36 choses à la fois, du legs un tel et de la mort de Sénèque, de la loi sur les successions et de l'énergie d'Aria qui se plongea un couteau dans le sein en criant « Poète, non dolette !» Patience, pensait René Larrier, naturellement enclin à prendre gaiement les choses. Nous n'avons pas vu le plus beau. Un de ces jours, nous allons bien rire. Il ne se trompait pas. Un jour vint, où M. de la Hourmerie, lassé de se ronger les poings dans le silence du cabinet, et de se faire en vain des cheveux blancs devant les ruines de son service, demanda à son désespoir, qui la lui fournit, l'audace d'aller reprendre son bien au redoutable Letondu. Profitant de ce que, dans un projet de décret relatif aux legs Kibol, dont on était parvenu tant bien que mal à reconstituer le dossier, celui-ci avait mis Kibol Victor Grégoire au lieu de Kibol Grégoire Victor, il grimpa 4 à 4 chez le fou, aspira une longue sifflée d'air, tic qui lui était familier quand surgissait un événement considérable, et se livra à des considérations touchant les fâcheuses conséquences qui eussent pu être le fruit de cet écart de plume. Dans un style agaçant et confitureux, bourré toutefois des bienséances oratoires d'un personnage qui n'est qu'à moitié rassuré, il détailla ses conséquences. La porte ouverte toute grande aux chicanes des collatéraux, les revendications des héritiers Kibol en restitution de jumelles marines et de chandeliers Louis XIII, l'intervention des tribunaux civils et de la cour de cassation, tout un affreux micmac jurisprudentiel a donné la chair de poule. « Monsieur Letondu, conclut-il, l'expédition n'est pas besogne qu'il convienne de négliger et de traiter par-dessous la jambe. Elle est d'importance, au contraire, elle est d'importance capitale. Vous voulez, monsieur Letondu, faire plus qu'on ne vous demande et porter sur vos seules épaules le fardeau de toute une maison. Mon Dieu, c'est un louable zèle. Je suis le premier à le reconnaître, mais je le blâme si j'y applaudis. Saisissez-vous bien la nuance. L'excès en tout est un défaut, et le mieux, monsieur Letondu, fut toujours l'ennemi du bien. C'est avec ce système-là que, forcé de courir à la poste faute de temps, vous en arrivez à ceci, de mettre Victor Grégoire en place de Grégoire Victor, ce qui n'est plus la même chose. Vous comprenez, monsieur Letondu. Monsieur Letondu vous en met, répondit Letondu avec une grande simplicité. Jusqu'ici, il avait laissé dire sans broncher, courbé sur un rapport qu'il expédiait d'urgence. Il lâcha le mot doucement, aimablement presque, redressé du buste aux trois quarts et sa dextre aux phalanges velues suspendue au-dessus du papier. Le chef de bureau fit un bond. Mais déjà, Letondu était debout, plus blême qu'un linge à présent, d'une blancheur sur laquelle tranchait le roux ardent de sa moustache. Il fit un pas. Ses lèvres décomposées dansaient. La faïence azurée de ses yeux avait pris l'insoutenable éclat d'une lame d'acier au soleil. Le doigt tendu. « Sortez !» fit-il. Mais plus un mot. Sortez, vous dis-je. Allons, oust, hors d'ici. Quittez ce lieu que vous déshonorez de votre ignoble présence. Le chef, éperdu, obéit. Sur son importance prud'homesque de tout à l'heure, ce coup de théâtre inattendu avait opéré instantanément, à la manière d'un acide sur la teinture de tournesol. Jusqu'au soir, de bureau en bureau, il fut colporté la nouvelle. Je vous demande pardon, je vous dérange, mais ce qui vient de m'arriver est tellement extraordinaire. Et sa voix coupée de hoquets, son feu à décliner toute provocation, ses protestations de douceur, d'aménité bien connue, de sociabilité et autres, disait le trac formidable qui lui étreignait la gorge, son avidité de sympathie, de protections étroitement groupées autour de sa personne menacée et chétive. Croyez-vous, hein? Croyez-vous? Oh, il n'y a plus à s'y tromper. La présence de M. Letondu est un péril pour chacun de nous. Les employés se grisaient du récit, prodigieusement intéressés. Tombé dans le train-train monotone de ces messieurs, l'événement prenait d'énormes proportions. Il emplissait de fièvre la maison, la jetait à l'agitation d'un trou de province qu'a traversé le matin un régiment de cavalerie. Au fond, la perspective d'un chicage possible entre Letondu et de la Hourmerie déchaînait de sournoises jouissances. C'était comme une lueur de gaieté à l'horizon des mornes journées de bureau. Fin du chapitre premier du cinquième tableau.